crois que dans nos mains est gravé notre destin. Mais l'amour qui veille en nous, l'air de rien peut changer tout. Ensemble, on peut tour à tour lui donner tout notre amour. Ensemble, au lever du jour, pour que l'or de l'aurore l'entoure. Prends-moi la douceur, prends ma beauté, moi mon cœur. C'est l'amour qui vous...